إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 22 dans l'explication du livre Fadl al-Islam. Et inshallah, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est que on a discuté avec certains frères au sujet des cours, puis étant donné que le livre est presque terminé, probablement que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va pouvoir commencer un nouveau livre inshallah, et on va changer un petit peu la façon dont on fait les cours. On va inshallah essayer d'adopter une nouvelle méthode pour faire en sorte que inshallah les frères profitent plus du contenu des cours, puis qu'ils prennent les choses de manière plus sérieuse, puis de manière plus assidue. Donc qu'est-ce qu'on va commencer à faire inshallah, c'est que on va commencer à faire des questionnaires à chaque semaine. Puis inshallah, j'ai pensé à déjà commencer depuis demain. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner une feuille avec 10 questions que vous allez ramener avec vous et que vous avez toute la semaine pour répondre. Comme ça, vous pouvez chercher les réponses à ces questions-là dans les cours qu'on a fait, et puis vous la ramenez la semaine d'après avec les réponses et tout. Après, on les corrige, puis chaque semaine, on va amener 10 questions nouvelles, d'accord? Et puis, en même temps aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être aussi en même temps poser les questions, par exemple, les réponses que vous avez ramenées, eh bien, on va les poser aux frères verbalement pour voir si qu'est-ce qu'ils ont écrit, ils l'ont vraiment bien compris. On va leur demander de clarifier qu'est-ce qu'ils ont répondu sur les feuilles. Et comme ça, donc, on va pouvoir savoir exactement le niveau de chacun, puis qu'est-ce que les frères ont retiré, qu'est-ce qu'ils ont profité de ces cours-là. Parce que souvent, les frères, ils assistent aux cours souvent, puis ils écoutent. Mais, c'est vrai qu'ils profitent, ils apprennent des choses, mais combien de ces choses-là restent réellement avec eux? Et c'est pour ça que les ulama, ils disaient, la science, la vraie science, c'est celle avec laquelle tu peux entrer aux toilettes. C'est-à-dire, celle que tu mémorises et qui est dans ton cœur. C'est-à-dire, tu ne l'amènes pas dans un livre. Tu ne l'as pas écrit sur une feuille. Elle reste dans ta tête, dans ton cœur. Elle fait partie de toi, cette science-là. C'est là que tu peux dire que tu l'as vraiment. En d'autres cas, tu ne peux pas dire que tu l'as vraiment, cette science-là. Tu vois? Donc, c'est un exemple. Que les ulama ont donné parmi les imams, des salafs, ils ont donné cet exemple-là. La vraie science, c'est celle avec laquelle tu peux rentrer aux toilettes avec. Hein? Et en même temps, ça me rappelle la fatwa d'un des machaires qui lui a posé la question, un des cheikhs en Arabie Saoudite, on lui a posé la question à propos du téléphone cellulaire. Il y en a un qui a posé la question, cher, dans mon téléphone, j'ai le Coran, j'ai des sourates enregistrées de Coran. Donc si je rentre dans la toilette avec mon téléphone, est-ce que c'est correct ou bien je dois laisser mon téléphone à l'extérieur de la toilette avant de rentrer, puisqu'il y a le Coran dedans? Il a dit, est-ce que toi tu mémorises le Coran? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que quand tu rentres dans la toilette, tu laisses ton cerveau dehors avant de rentrer. Donc il dit, bon, c'est la même chose. Hein? Donc alhamdoulilah, mashallah. Le chef, il a bien répondu. Donc c'est pour dire, cette science-là, que quand tu l'as mémorisée, fait partie de toi, c'est là que tu peux vraiment dire que tu l'as en toi, que tu l'as appris. Et donc c'est ça qu'on veut vérifier avec les frères, inshallah, si ils sont, ils l'ont assimilé, cette connaissance-là. Puis justement, est-ce qu'ils vont être capables d'en profiter quand ça va être nécessaire pour eux, lorsque des situations se présentent, quand ils ont besoin de clarifier certaines choses à quelqu'un, ou on ne sait jamais aussi, parce que dans le sens que on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées. Puis dans l'avenir, Inch'Allah, c'est sûr que on a besoin d'essayer de former des frères pour qu'ils soient capables eux aussi par la suite d'enseigner, de donner des cours, faire de la da'wah, des choses comme ça. Donc il faut qu'on soit capable de vérifier le niveau des frères, puis de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont profité, qu'est-ce qu'ils ont appris. Donc on va commencer, Inch'Allah, avec le cours à partir d'où on a laissé la semaine passée. On avait commencé à expliquer les hadiths qui parlent des ghuraba, des étrangers, et les mérites des étrangers, ceux qui vont rester accrochés à l'islam vers la fin des temps. Donc on est rendu à expliquer certaines riwayat. Hein? Le cheikh il dit, wa fi riwayati alladhina yaslihuna idha fasada an-nas. يعني جاء في وصفهم ثلاثة أوصاف: النزاع من القبائل يعني الأفراد الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة سنن الدين، وهذا دليل على أن الإسلام في آخر الزمان سيصير غريبا. الوصف الثاني: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يصلحون أي يصبرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون نحن مثل الناس، لا نصبح بين الناس منفردين، نتابع الناس، نتابع المجتمع، نتابع البلد. لا، هؤلاء يصبرون ولو كانوا قليلين، ولو خالفهم الناس يصلحون إذا فسد الناس ولا يفسدون مع الناس، ولكن كونهم يصلحون بين الناس هذا يحتاج إلى صبر وثبات وثقة ومعرفة. والوصف الثالث: يصلحون ما أفسد الناس، يعني يكونون صالحين في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير، ويصلحون ما باستطاعتهم ولا يسكتون. Donc le cheikh explique qu'il y a trois narrations par rapport au hadith qui parle des ghuraba, dans la définition de qui sont les étrangers, de qui sont les ghuraba. La première, donc il dit, dans la narration qu'on a lue, il y avait ceux qui restent bons lorsque les gens sont pervers ou corrompus. Et il dit que dans la description des ghuraba, il y a trois définitions qui ont été mentionnées dans les hadiths. Hein? La première description, c'est « an-nuzza' min al-qaba'il », c'est-à-dire les gens qui, les individus parmi les tribus qui quittent leur pays, qui quittent leur peuple, qui quittent l'endroit où ils ont vécu, où ils ont grandi, « fi sabili iqamati sunan al-din », c'est-à-dire dans le but d'établir les sunan de la religion et de s'accrocher à leur islam. Et ça, c'est la preuve que vers la fin des temps, l'islam va devenir quelque chose d'étranger. Quelque chose d'étrange. La deuxième description, c'est ceux qui restent bons lorsque les gens sont devenus corrompus. C'est-à-dire qu'ils restent endurants sur leur religion. Ils ne regardent pas qu'est-ce qui est arrivé à la population ou aux gens en général, dans le sens qu'ils voient que les gens ont perdu leur attachement à la religion ou sont devenus corrompus, et ils disent, nous, on doit être comme les gens, on doit faire comme eux. On ne peut pas être, séparé des gens, éloigné des gens, tout seul, on reste dans notre coin. On ne peut pas faire ça. Il faut être avec les gens, il faut suivre la société, il faut marcher avec la société, il faut marcher avec le pays. Hein? Non, eux, ils disent pas ça. Les ghuraba, ils disent pas ce genre de choses-là. Ils disent pas, nous, on va suivre le monde, on va suivre les gens. On ne veut pas rester tout seul dans notre coin. Non, les ghuraba, eux, ils restent endurants, même s'ils sont peu nombreux, et même si tout le monde les contredit, ou font le contraire de ce qu'ils font, eux, ils restent sur qu'est-ce qui est bien, et sur l'islam, ils s'accrochent à leur islam, même si les gens deviennent corrompus, ils ne vont pas se corrompre avec les gens. Mais le fait que des gens, par exemple, restent bons parmi les gens, alors que les gens deviennent corrompus, ça nécessite de la patience, ça nécessite de l'endurance, ça nécessite de la fermeté, ça nécessite de la confiance et ça nécessite de la connaissance et du savoir. Donc en fait, c'est ça ce que le cheikh explique, c'est que la première catégorie, c'est ceux qui quittent leur pays pour aller là où ils peuvent s'accrocher à leur religion. Et ça, c'est une des catégories ou une des descriptions des ghurabas. La deuxième description, c'est ceux qui restent bons parmi les gens qui sont mauvais. Ça, c'est la deuxième description. La troisième description, c'est ceux qui, non seulement ils sont bons en eux-mêmes, mais en plus, ils réforment les gens autour d'eux et la société autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont bons en eux-mêmes et en même temps, ils aident les gens à devenir meilleurs et à corriger qu'est-ce qui a été corrompu et à réformer la société, qu'est-ce que les gens ont corrompu autour d'eux, en faisant la da'wah, en invitant les gens à Allah, en ordonnant le bien et en interdisant le mal, et en enseignant le bien aux gens, et en faisant ce qu'ils peuvent de réforme. Et ils ne restent pas silencieux devant la corruption et devant qu'est-ce qui est contraire à l'islam. Donc ils vont dénoncer le mal, ordonner le bien, interdire le mal et changer la situation selon leurs capacités. Donc ça, c'est les trois définitions ou les trois caractéristiques de ce qu'on appelle al-ghuraba. Ok? Al-ladhina yasluhun idha fasada al-nas wal-ladhina yuslihun idha fasada al-nas ma afsada al-nas. Donc on voit que le verbe à l'origine, c'est le même. Yasluhun wa yuslihun. La différence entre yasluhun et yuslihun, yasluhun, ça dit eux, ils sont bons en eux-mêmes. Yuslihun, c'est-à-dire ils sont bons, mais ils aident les autres à devenir bons et à se réformer. Donc c'est ça la différence. Et ensuite, le cheikh dit: وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاسٍ وَفِيهِ فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ. أي إِذَا فَسَدَ النَّاسُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ إِيمَانٌ وَيَقِينٌ وَقُوَّةٌ وإلا فإنه ينجرف مع الناس فضعيف الإيمان أو مزعزع الإيمان أو قليل الفقه والعلم ينجرف مع الناس. Donc le cheikh il dit également, il dit que ça a été rapporté par, ou bien on a rapporté par, selon Ahmad, non disons que l'imam Ahmad a rapporté selon Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a dit, il a rapporté une autre version, une autre narration dans laquelle il est dit: فَطُوبَ يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَى إِذَا فَسَدَ النَّاسِ. C'est-à-dire, et annoncer la bonne nouvelle ce jour-là aux étrangers lorsque les gens seront devenus corrompus. C'est-à-dire, lorsque les gens seront corrompus, il y aura très peu de gens qui vont être capables de rester accrochés fermement à la vérité. Et ça s'applique vraiment bien à notre époque aujourd'hui. En tout cas, on remarque que les gens qui s'accrochent très fermement à leur islam à notre époque sont très nombreux. Et ceux parmi les gens, même dans les pays musulmans aujourd'hui, dans certains pays musulmans, ceux qui veulent s'accrocher à leur islam et s'accrocher à la sunna, on remarque qu'ils sont vus comme des gens marginaux, comme des gens qui sont vraiment en train d'aller à contre-courant dans la société. Ils sont vus comme des, parfois même comme des extrémistes. hein, ainsi de suite. Donc, on leur a donné plein de surnoms. Parfois, certains d'entre eux sont réellement, peut-être certains peuvent être réellement des extrémistes. Ça, c'est certain, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, comme les Khawarij, des gens de ces catégories-là. Eux sont pas, ils font pas partie des Ghurabas, parce qu'ils sont des gens de Bid'ah. Mais quand on parle des Ghurabas, on parle de ceux qui suivent le Coran et la Sunna dans la croyance, dans la compréhension, dans la pratique et dans les paroles, dans tous les aspects de la religion. Ils ne dépassent pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager. Donc, le cheikh, il dit, lorsque les gens deviennent tous corrompus, ou la grande majorité, il y en a très peu qui restent accrochés à la vérité. Et ceux qui restent accrochés à la vérité, c'est uniquement ceux qui, parmi eux, ont de la foi, de la certitude et de la force. Hein? Et donc, à cause de ça, ils restent droits et fermes sur la vérité, ils ne suivent pas les gens. Celui qui n'a pas de foi, celui qui est faible dans sa foi, il va suivre les gens. Celui qui n'a pas de certitude, de conviction, il va suivre les gens. Et celui qui n'est pas fort dans sa foi et dans sa personnalité, lui aussi, il va suivre les gens. Donc, pour faire partie des Ghurabas, tu dois avoir ces caractéristiques-là. Avoir une foi forte, avoir une certitude et avoir une force de personnalité également. Et le cheikh dit donc, celui qui a peu de connaissances également, qui a peu de science, lui aussi, il va suivre les gens. Celui qui a peu de fiqh et peu de science. Après, le cheikh, il dit, « Walid Tirmizi, min hadithi Kathir ibn Abdillah, an abihi, an jaddihi, fatouba lil ghuraba, allazina yuslihuna ma afsad al-nasa min sunnati. Yuslihuna ma afsad al-nasa, والله جل وعلا يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لم يقل صالحون بل قال مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون الخير أما إذا كانوا صالحين في أنفسهم ساكتين وساكتين فإنهم يهلكون مع الهالكين تعمهم العقوبة في الدنيا ولكن يوم القيامة يبعثهم الله على نياتهم. Donc le cheikh explique ici que l'imam al-Tirmidhi rapporte selon le hadith de Kathir ibn Abdullah, selon son père, selon son grand-père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Ce sont ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna. Ce sont ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna. Et ça vient clarifier en même temps la signification du terme qui est mentionné dans le hadith. Hein, le hadith à propos du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à chaque 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala va faire susciter quelqu'un qui va venir réformer et renouveler cette religion-là, régénérer cette religion-là. Donc, certains ont essayé d'interpréter la réforme comme étant le fait de réinterpréter la religion et de changer la religion. Et comme le cheikh, il mentionne ce hadith-là qui nous clarifie en fait que ce n'est pas de réinterpréter la religion. L'interprétation de la religion, elle est déjà claire. Il y en a qui appellent à dire, bon, il faut faire une relecture. Il y en a même qui appellent à dire, il faut faire un nouveau fiqh. Et il y en a qui disent, il faut faire un nouveau usul al-fiqh. Réformer les fondements du fiqh encore. Donc ça, c'est encore une autre forme d'égarement qu'ils veulent ouvrir aujourd'hui. Mais il y en a parmi les gens qui ont appelé à ça. Et al-islah dont il est question, c'est de réformer ce que les gens ont corrompu de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand les gens ont inventé des innovations et des bid'ah, les ulama qui sont des réformateurs, ils viennent corriger ces choses-là en réfutant les innovations qui sont amenées dans la religion et en ramenant la sunna et en combattant les bid'ah. Et les gens de bid'ah et également en ordonnant le bien et en interdisant le mal, ainsi de suite. Mais pas en ramenant des choses nouvelles ou en changeant la religion, ou en faisant une relecture de la religion, ou en faisant une réinterprétation. Au contraire, c'est de ramener ce qui a été corrompu ou changé de la religion, de le ramener à son origine et à sa pureté. C'est ça la réforme, la vraie réforme. Donc le cheikh, il mentionne ici un verset, il dit, hein, donc les ghurabas, ce sont, il mentionne le hadith qui dit que les ghurabas, ce sont ceux qui vont réformer ce qui a été corrompu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après il dit, ce sont ceux qui réforment ce qui a été corrompu par les gens. Puis il mentionne le verset 117 dans sourate Hud, dans sourate Hud. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire périr un peuple pour une injustice qu'ils ont commis, alors que ses habitants sont des réformateurs, alors que ses habitants sont des muslihoun. Le cheikh, il dit ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit alors que ses habitants sont salihoun, c'est-à-dire alors que ses habitants sont des gens de bien ou des gens vertueux, non. Il a dit alors que ses habitants sont muslihoun. Muslihoun, ça veut dire ils font le bien et ils ordonnent le bien aux autres et ils interdisent le mal aux autres. Pas juste, ils font pas juste le bien pour eux-mêmes, puis quand ils voient le mal, ils se taisent, ils ne disent rien, comme beaucoup d'entre les hommes pieux aujourd'hui. Beaucoup d'entre les hommes pieux, beaucoup d'entre les musulmans qui prient dans les mosquées, qui font leur prière à la mosquée régulièrement, ils ne sont bons que pour eux-mêmes, et ils ne font le bien que pour eux-mêmes. Le bien qu'ils pratiquent dans leur religion ne se limite qu'à eux-mêmes. Mais ils n'ordonnent pas le bien aux autres, et ils n'interdisent pas le bien aux autres. Et donc, ils ne sont pas des muslihoun. Ils ne sont pas des réformateurs. Ils ne font pas partie des réformateurs. Et donc, le cheikh, il dit, il n'a pas dit qu'ils sont bons, il a dit qu'ils sont des réformateurs. C'est-à-dire qu'ils changent le mal, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, et ils diffusent le bien dans la société. Mais s'ils étaient juste des gens pieux, qui se limitent uniquement à leur propre personne, de dire « moi je suis correct, c'est ça qui compte », alors ils auraient péri avec les autres. Ils auraient péri avec les autres qui ont péri parmi les gens qui faisaient le mal. Et le châtiment dans la dunya aurait été général pour eux. Mais au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala les aurait ressuscités selon leur intention. C'est-à-dire même si ils avaient été châtiés avec le reste, parce qu'ils étaient juste, ils avaient juste limité le bien à eux-mêmes et ils n'avaient pas appelé les autres au bien. Tu connais le doua pour l'éclair? La ilaha illallah. Akhi, il faut fermer la fenêtre parce que je pense que la pluie est en train de tomber sur ma tête. Non, mais peut-être pas toutes les fenêtres, mais... Ouais, c'est ça. Il pleut fort, hein? Subhanallah, quand j'ai vu les nuages, là, qui venaient au loin... Subhanallah. C'est comme dans sourate Al-Jathiyah. Oh non, sourate Al-Ahqaf. Hein? فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. C'est quoi le verset, ça veut dire quoi? Le peuple, je pense le peuple de Hud, quand ils ont vu un gros nuage qui approchait, ils ont dit, ah, ça c'est un nuage qui va abreuver nos terres, qui va faire pousser les fruits et les légumes et tout. Donc ils ont dit, ça va irriguer, ça va faire du bien. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, bal huwa mustajjal tumbi. Plutôt, c'est ce que vous aviez précipité. C'est ça ce que vous aviez demandé. hein, le châtiment d'Allah, un vent dans lequel il y a un dur châtiment, un châtiment douloureux, qui détruit tout sur son passage, par le commandement de son Seigneur. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. À la fin, on ne voyait plus personne excepté les maisons de ces gens-là. Ils avaient tous été exterminés, complètement détruits. Donc c'est pour ça que le prophète, quand il voyait un gros nuage qui approchait, il avait toujours peur. Hein? Il craignait tout le temps. Hein? On voyait ça dans son visage. Donc, le hadith pour le tonnerre, c'est سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. Gloire à celui que le tonnerre et les anges célèbrent ses louanges sous l'effet de sa crainte. A'udhu billah. Les Shia, quand ils entendent ça, ils disent Roua, Roua. Ils pensent que c'est Ali qui est dans les nuages et qui est fâché. A'udhu billah. Allah musta'an. Barakallahu fi kafi. Ok, donc. Le cheikh, il dit quoi? Ensuite, donc il explique, on a lu donc que les gens de bien, s'ils n'ordonnent pas le bien et n'interdisent pas le mal, ils seront eux aussi châtiés avec ceux qui faisaient le mal. Hein? C'est seulement ceux qui sont des réformateurs qui seront sauvés. Maintenant, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne un hadith. Il dit, « وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ قَالْ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَ الْخُشَنِي رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قيل منا أو منهم قال منكم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. Donc le cheikh explique ici il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Abi Umayya. Il dit que il a demandé à Aba Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu, qu'est-ce que tu dis au sujet du verset 105 dans Sourate Al-Ma'ida, ô vous qui avez cru, occupez-vous de vous-même, préoccupez-vous de vous-même, yani, l'égarement de celui qui s'est égaré ne peut pas vous faire du mal si vous-même vous êtes bien guidé. Ça veut dire, ne peut pas vous nuire si vous-même vous êtes bien guidé. Donc, il y a des gens qui lisent ce verset dans le Coran, ils ne le comprennent pas correctement. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit occupez-vous de vous-même. Si il y a des gens qui se sont égarés, si vous êtes bien guidés, c'est pas grave. Ça ne veut pas faire du tort. Donc ils se basent sur ce hadith-là pour dire dans ce cas-là, moi je vais laisser les gens. Je ne vais pas m'occuper de qu'est-ce que les autres font. Si les gens font des péchés, ou ils font des choses haram, ou des choses comme ça, des bid'a, ça c'est pas mon problème. Moi je m'occupe de moi-même. Je me préoccupe de moi-même seulement. Le cheikh explique, il dit, donc ce hadith pour réfuter cette idée. Il dit donc que Abu Umayya, il demande à un des compagnons qui est Abu Tha'laba al-Khushani, il lui demande, qu'est-ce que tu dis à propos de ce verset? Il dit, amma wallahi, c'est-à-dire, je jure par Allah que tu as demandé à quelqu'un qui en est bien informé. Parce que moi-même, j'ai demandé la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, j'ai moi-même demandé la signification de ce verset au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, entraînez-vous, ordonnez-vous les uns les autres le bien, et interdisez-vous les uns les autres le mal, jusqu'à ce que vous voyez, shuhan muta'an, c'est-à-dire l'avarice des gens, les gens obéissent à leur avarice, et ils suivent leur passion, et ils préfèrent la dunya, et chacun est ébloui par son propre opinion. Alors, dans ce cas-là, occupe-toi de toi-même, et laisse les affaires du commun des gens. Ne te préoccupe plus des affaires du commun des gens, parce que derrière vous, il y aura des jours. Celui qui va être endurant sur sa religion, dans ces jours-là, il sera comparable à celui qui ferme sa main, qui serre sa main, ou qui serre dans sa main un morceau de charbon en train de brûler, un charbon ardent. Donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va agir dans ces jours-là, il aura la récompense de 50 hommes qui agissent parmi ceux d'entre vous, qui parmi vos actions. Ils ont dit, est-ce que tu parles des 50 hommes parmi nous ou parmi eux? Il dit parmi vous, c'est-à-dire parmi les sahabas. Donc ça, c'est la récompense de 50 hommes parmi les sahabas, pour les gens qui, à la fin des temps, vont s'accrocher à la religion. Et ça, c'est, comme on a dit, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et aussi par Ibn Majah. Donc, on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan à propos de ce hadith. Donc, le Cheikh, il dit, هذا حديث عظيم يفسر قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لأنه قد يفهم منها بعض قد يفهم منها بعض الناس أو كثير من الناس أنك إذا كنت صالحا في نفسك فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فيفهم أو يفهم من الآية أن معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تعتني بنفسك فقط وهذا خطأ ليس هذا هو تفسير الآية وإنما تفسير الآية هو أنه إذا فسد الناس فلا تفسد معهم وهذا هو المقصود من الآية ولا تقلد الناس أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو باق لا يسقط فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فلا بد من إنكار المنكر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة فليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن معناها أنك تصلح أنت ولا تنظر إلى فساد الناس مع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Donc, on va lire on va traduire cette partie. Le Cheikh, il dit que ça, c'est un grand hadith qui explique la signification de la parole d'Allah dans le verset 105 dans Surat Al-Ma'ida. Ô vous qui avez cru, occupez-vous de vous-même. Et ceux qui se sont égarés ne pourront pas vous nuire si vous êtes vous-même guidés. Il dit pourquoi? Parce que certaines personnes pourraient penser, ou plusieurs parmi les gens, plusieurs parmi les hommes pourraient penser que si tu es bon en toi-même, alors c'est suffisant. Et t'as pas à ordonner le bien aux autres et t'as pas à interdire le mal aux autres. On pourrait penser ça ou comprendre ça de ce verset. Mais c'est pas ce que le verset signifie. Certains pourraient comprendre que ça signifie d'abandonner l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et que tu te préoccupes uniquement de toi-même. Et ça, c'est une erreur. C'est pas ça l'interprétation du verset. Le verset signifie uniquement que si les gens deviennent corrompus, alors ne fais pas la corruption avec eux. Et c'est ça le sens du verset. Tu ne suis pas les gens dans le mal qu'ils font. Donc, ne deviens pas corrompu toi-même avec eux. Et en même temps, tu ordonnes le bien et tu interdis le mal. Et l'ordre d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça reste jusqu'à la fin des temps. Ça s'arrête pas. Et il mentionne le hadith dans le hadith qui est rapporté par Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Hein? Donc, il dit qu'il faut absolument changer le mal, interdire le mal à toutes les époques, jusqu'à la venue de l'heure du jugement dernier. Et le verset ne signifie pas d'abandonner l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, mais la signification du verset, c'est plutôt que tu dois être bon pour toi, toi-même, tu dois être bon, et tu ne dois pas regarder la corruption des gens. Tu dis, ah, puisque tout le monde fait le mal, moi aussi je vais le faire. Puisque tout le monde fait la corruption, oh, mais moi aussi je vais le faire. Hein? Tout le monde fait le zina, donc moi aussi je vais faire le zina. Tout le monde fait le riba, donc je vais faire le riba moi aussi. Puisque tout le monde le fait, ça fait paraître le mal comme si c'était moins mal. Donc tu t'imagines que c'est correct, puisque tout le monde le fait, on le fait. Donc le cheikh dit non. Ça c'est le contraire de la signification du verset. Le verset il dit que tu dois être bon en toi-même, et que tu dois ordonner le bien aux autres et interdire le mal aux autres. Après le cheikh il dit ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظلم فلم يأخذوا على يديه إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعم الله بعقاب أن يعمهم الله بعقاب فليس معناها إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر وإنما معناها أن الإنسان على إنما معناها أن الإنسان إن على الإنسان أن لا ينجرف مع الناس. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu il a dit à propos de ce verset justement: vous lisez ce verset et vous le mettez en dehors de son contexte. Il dit, nous avons entendu le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dire, les gens, lorsqu'ils ont vu l'injuste et qu'ils ne l'ont pas pris par la main, alors, dans peu de temps, vous allez voir qu'Allah va les généraliser par un châtiment. Dans peu de temps, vous allez voir qu'un châtiment général va tomber sur eux. C'est ça que ça veut dire. Lorsque les gens ont vu l'injuste, hein, et qu'ils ne l'ont pas pris par la main, alors, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'un châtiment général va tomber sur eux. Et donc, ça ne veut pas dire que l'ordre d'ordonner le bien et d'interdire le mal tombe et cesse. Non, au contraire, lorsque le mal devient plus grand, et lorsqu'il y a plus de mal dans la société, il faut ne pas suivre les gens et ne pas aller avec eux. Les femmes, elles voient, ah, elles sont dans la société, les femmes, ça marche presque nues, dans la rue, sans vêtements, ou sans hijab, ou sans jilbab. Donc moi aussi, je vais faire ça. Je vais marcher sans jilbab, sans hijab. C'est pas grave, tout le monde le fait. Hein? Donc, ils s'imaginent que parce que tout le monde le fait, c'est correct. Hein? Ou bien, personne ordonne le bien, personne interdit le mal, donc moi je ne vais pas le faire. Non, c'est pas comme ça. Hein? Donc le cheikh dit wa qawluhu fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihinna mithl al-qabd 'ala al-jamr. Hada fi akhir az-zaman 'inda ghurbati al-islam yahtaju al-muslimu ila as-sabr wa illa fa innahu sayulqi min an-nas at-ta'b wal-mashaqqa. لأنه يعيش بين أناس يخالفونه في كل شيء فعليه بالصبر وأن لا يزهد بالحق ولا ينجرف مع الناس وهذا يحتاج إلى صبر لأنهم سيضمونه ويعيرونه أو ربما يؤذونه ويضربونه أو يهددونه ولكن عليه أن يصبر لأنه على الحق حتى لو قتلوه لأنه على الحق على حق فالإمام أحمد رحمه الله صحب في الأسواق وضرب حتى أغمي عليه وسجن رحمه الله ولم يعبأ بهذه الأمور لشيخ التي ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura derrière vous, plus tard, yani des jours qui vont venir. Celui d'entre vous qui va être patient et endurant sur sa religion, il sera comme celui qui a serré dans sa main un morceau de charbon ardent. Ça, c'est vers la fin des temps, lorsqu'il y aura l'islam qui va être devenu étrange. Dans ces jours-là, le musulman va avoir besoin de plus de patience. Imaginez si nous, à notre époque, on a l'impression déjà de vivre dans cette étrangeté de l'islam. Mais dites-vous qu'il y a des jours qui vont arriver après notre époque à nous, qui vont être pires encore pour ceux qui vont être vivants parmi les musulmans. Parce que nous, on est encore dans, Allahu A'lam, mais on est encore dans le début. Il reste encore du temps, on ne sait pas quand ça va être la fin des temps. On pense que c'est proche parce qu'on voit beaucoup de signes, mais il y a des choses qui peuvent arriver encore plus graves encore. Et donc, si à notre époque, on a l'impression d'avoir un charbon dans nos mains, parce qu'on pratique le peu de l'islam qu'on pratique aujourd'hui, imaginez. Et surtout, en plus qu'on est dans un pays non musulman, hein? C'est encore plus difficile pour nous. Parce qu'il y a certaines catégories de musulmans qui disent aux autres, on est au Canada donc, puisqu'on est au Canada, ou puisqu'on est aux États-Unis, ou puisqu'on est en France, ou en Europe, eh bien, on n'est plus obligé de pratiquer l'islam, ou de pratiquer l'islam comme il faut. Là, on est excusé si on fait des péchés, on est excusé si on ne pratique pas tout ce qu'il faut, parce qu'on est chez les koufars. Si c'était vrai ce qu'ils disent, alors dans ce cas-là, hein, Allah al-Musta'an, ça veut dire que l'islam va, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, on suit nos passions. Et déjà les ulama ont dit, ma la yatimu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Si quelque chose devient nécessaire pour appliquer une obligation, alors dans ce cas-là, cette chose-là devient elle-même obligatoire si à la base elle n'était pas obligatoire. Donc toi tu es dans un pays de kufr et tu dis, puisque je suis ici, c'est sûr que je vais faire des péchés. Et puisque je suis ici, c'est sûr que je ne vais pas faire ce qui est wajib. Alors dans ce cas-là, c'est wajib pour toi de quitter ce pays, d'aller dans un pays où tu ne vas pas être obligé de faire des péchés et tu ne vas pas être empêché de faire ce qui est obligatoire. Parce que sinon tu restes ici, tu sais déjà que tu vas faire des péchés. Tu sais déjà que tu ne pourras pas faire ce qui est obligatoire. Donc c'est comme si tu t'es jeté toi-même, la tête la première, dans une situation qui va t'éloigner d'Allah. Et dans un contexte qui va t'éloigner de ta religion. Au moins si à la limite tu dis, je suis ici et j'ai la connaissance nécessaire, j'ai la capacité d'appeler à Allah, d'inviter les gens à l'islam et de le faire correctement. Et là je vais faire la da'wah. À la limite, on pourrait dire que celui-là, oui. Mais en dehors de ça, en dehors de ce cas-là, hein, qui peut dire une chose pareille? Donc, par rapport à ça justement, donc le cheikh il dit, vers la fin des temps, le musulman il a besoin d'être patient, d'être endurant, parce qu'il va trouver de la part des gens des réactions, des attitudes, des comportements qui vont le fatiguer et qui vont être difficiles pour lui, parce qu'il vit parmi des gens qui s'opposent à ce qu'il est, s'opposent à ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, les gens le contredisent. Alors il doit faire preuve d'endurance et de patience et de pas abandonner la vérité et de pas dire je vais suivre les gens. Il a besoin d'être patient, il a besoin d'endurance et de patience parce que les gens vont le blâmer, les gens vont l'insulter, les gens vont l'offenser par leurs paroles, les gens vont le frapper. Et même peut-être qu'ils vont le menacer. Et le cheikh il dit, mais tu dois être endurant et patient, parce que tu es sur la vérité. Et même s'ils vont, même s'ils te tuent, cheikh il dit, même s'ils te tuent à la fin, tu dois être patient. Regardez l'imam Ahmad, rahimahullah, il a été tiré dans les marchés et frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissance et il a été enfermé, emprisonné par la suite. Mais il n'a pas donné d'importance à aucune de ces choses-là. Il s'est accroché fermement. Le cheikh dit wa qawluhu lil'amil fihin ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. هذه مسألة مشكلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يتمسك بالدين في آخر الزمان عند الفتن له أجر 50 رجلا من الصحابة. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. لماذا؟ لأن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين عزيز في ذلك الوقت، والمسلمون كثيرون. أما في هذا فهو غريب، ومع هذا تمسك بالدين، تمسك بالدين ودافع عن الدين مع أنه ليس له أنصار ولا أعوان، ولذلك حاز على هذا الأجر وأصبح في هذه المسألة أفضل من الصحابة، وهي مسألة خاصة، والصحابة أفضل منه في أمور أخرى، في الصحبة وفي والجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الهجرة هو أفضل منهم في خصلة واحدة، وهم أفضل منه في خصال كثيرة. فليس معنى هذا أنه يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة مطلقا، لا، بل أفضل من الصحابة في نقطة واحدة فقط، والصحابة عندهم فضائل كثيرة ليست عند هذا، ويقولون إن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ينبغي معرفة هذا. فالصحابة لا أحد أفضل منهم أبدا. Donc le cheikh explique, il dit que à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour celui qui agit ou qui pratique sa religion dans ces jours-là qui vont venir à la fin des temps, il aura la récompense de 50 hommes qui vont faire la même chose que vos actions. Et ça, le cheikh il dit ça, c'est une question qui est un peu compliquée ici. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui va s'accrocher à la religion vers la fin des temps, lorsqu'il y aura beaucoup d'épreuves et de tribulations et de tentations, il aura la récompense de 50 hommes parmi les sahaba. Ils ont dit, est-ce que 50 hommes parmi nous ou parmi eux? Il a dit non, 50 hommes parmi vous. C'est-à-dire parmi les sahaba. Le cheikh dit pourquoi? Le cheikh dit pourquoi 50 parmi les sahaba? Parce que les sahabas sont avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la religion est forte, est en force à cette époque-là. Et les musulmans sont nombreux. Mais aujourd'hui, la religion elle est étrange. Il y a peu de gens qui s'accrochent fermement à la religion et qui défendent la religion. Et celui qui défend et qui pratique la religion, il n'a pas beaucoup de gens qui l'aident et qui viennent à son aide. Et qui le défendent, et qui le supportent. Hein? Et c'est pour ça qu'il a donc cette grande récompense. Et c'est pour ça que dans cette question-là en particulier, il est meilleur que les Sahaba. Et c'est une seule question, c'est un seul point parmi les points dans lesquels il est meilleur que les Sahaba. Les Sahaba sont meilleurs que lui dans toutes les autres questions, dans tous les autres aspects de la religion. Ils sont meilleurs que lui dans le fait qu'ils sont des compagnons. Ils ont une suhba, c'est-à-dire ils sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait le jihad fi sabilillah avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont meilleurs qu'eux dans un aspect de la religion, tandis que ils sont meilleurs que les sahabas dans un aspect de la religion, tandis que les sahabas sont meilleurs que dans tous les autres aspects de la religion. Donc ça veut pas dire qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont venir qui vont être meilleurs que les sahabas de façon absolue. Non. Parce que les sahabas, il n'y a personne qui peut être meilleur qu'eux. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » Là, non, il a dit لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لا يبلغ أحدكم لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. C'est-à-dire, si l'un d'entre vous donnait la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud en sadaqa, ça n'aurait même pas la valeur de la poignée d'une main qu'un sahabi a donné comme sadaqa. Donc tu ne peux pas comparer quelqu'un avec les sahabas dans quoi que ce soit. sauf dans une seule caractéristique, c'est celui qui à la fin des temps il s'accroche à sa religion dans l'époque de la faiblesse. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit donc les sahaba ils ont tous les mérites et toutes les excellences dans plusieurs des aspects de la, dans la plupart des aspects de l'islam, tandis que celui-là il a une seule caractéristique dans laquelle il est meilleur que c'est le fait qu'il s'accroche à l'islam dans la fin des temps. Donc il dit que c'est un mérite et c'est une excellence qui est particulière et une excellence, un mérite qui est particulier ne peut pas écraser ou venir compétitionner avec un mérite qui est général et une excellence qui est générale comme celle des sahaba. Donc c'est important de comprendre que il n'y a personne qui pourra jamais être meilleur que les sahaba. Après, le cheikh il mentionne un autre hadith. Hein, il dit wa rawa ibn Waddah ma'nahu min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma inna min ba'dikum ayyaman lis-sabiri fiha al-mutamassiki bimithli ma antum 'alayhi al-yawm أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قِيلَ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ مِنْكُمْ. Donc la signification de ce hadith elle a été rapportée par Ibn Waddah selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit qu'après vous il y aura des jours la personne d'entre vous qui est endurante dans ces jours là qui s'accroche à qui est comparable à ce sur quoi vous vous accrochez aujourd'hui, il aura la récompense de 50 parmi vous. Hein? Donc celui qui s'accroche à ce sur quoi s'accrochaient les sahaba à cette époque, à la fin des temps, il va être patient là-dessus et endurant là-dessus, il aura la récompense de 50. Donc ça, c'est un encouragement pour nous, Inch'Allah, pour essayer de nous motiver à nous accrocher à ce à quoi s'accrochaient les sahaba, parce qu'on vit dans les temps difficiles aujourd'hui. Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, puis ensuite, nous a informé Mohammed ibn Saïd, puis il nous a informé Asad, puis il nous a informé Soufiane ibn Uyayna, selon Aslam al-Basri, selon Saïd ibn Abi al-Hassan, il a dit, j'ai dit à Soufiane, qultu li Soufiane, il a dit, est-ce que c'est selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit oui. Il a dit, vous êtes aujourd'hui sur une preuve claire venant de votre Seigneur. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous luttez dans le sentier d'Allah. Et les deux ivresses ne sont pas encore apparues parmi vous. Ces deux ivresses-là, c'est quoi? L'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de l'amour de la vie. Mais vous allez changer par la suite. Donc celui, ce jour-là, qui va s'accrocher, lorsqu'il y aura ces deux ivresses, il va s'accrocher au Coran et à la Sunna, il aura la récompense de 50. Ils ont dit 50 d'entre eux, il a dit non, d'entre vous, c'est-à-dire d'entre les Sahaba. Et ça c'est rapporté selon Abu Nu'aym dans Al-Hilya et ça fait partie des hadiths de Anas, c'est rapporté selon Anas ibn Malik et Mu'adh ibn Jabal. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith. Il dit premièrement, il dit Ibn Waddah huwa l'imam al-hafiz muhaddith al-andalus Muhammad ibn Waddah ibn Yazi' wa lahu kitabun ismuhu al-hawadith wal-bida' madbu'. Donc il dit que ça c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Waddah. Ibn Waddah c'est un des grands imams de l'Andalousie à l'époque, hein, en Espagne. lorsque l'Espagne était musulmane. Il s'appelle Muhammad ibn Waddah ibn Yazir. Son livre qu'il a écrit, un des livres qu'il a écrit s'appelle Al-Hawadith wal-Bida'. C'est un livre au sujet des innovations. Et ce livre-là, il a été publié et il est disponible dans les librairies. Le Cheikh dit, وروى ابن وضاح معنى حديث أبي ثعلبة الخشني ولكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم هذه الأيام التي تشتد فيها غربة الإسلام وقلة الأنصار والأعوان وكثرة الأعداء المخذلين والمرجفين كما تعلمون الآن والله أعلم يأتي زمان أشد من هذا فالذي يثبت على دينه ويثبت على جهاده ودعوته فهذا يكون كالقابض على الجمرة ومن شدة ما يلقى من الناس يحتاج إلى صبر شديد. الشيخ ابن وضاح il a rapporté le hadith de Abi Sa'lab al-Khushani mais selon Ibn Umar رضي الله عنهما. Et les mots qui sont utilisés dans le hadith ou la version qui est mentionnée dans ce hadith là, c'est que après vous il y aura des jours, celui d'entre vous qui est endurant et qui s'accroche à ce que vous accrochez aujourd'hui, il aura la récompense de 50 d'entre vous. Le cheikh il dit que ça, ce sont les jours dans lesquels il y aura une étrangeté de l'islam qui va être très très dure et l'islam aura très peu de défenseurs et de supporters à cette époque là et elle aura beaucoup d'ennemis et les gens qui abandonnent l'islam ou qui font peur aux autres parmi les musulmans, parmi les murjifins, al-murjifun ce sont qui? Les murjifuns, ce sont ceux qui ils essaient de faire peur aux musulmans des kuffars. Ils sont toujours en train d'essayer de jeter la crainte dans le cœur des musulmans par rapport aux kuffars. Faites attention, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas pratiquer ça, parce que sinon vous avez des problèmes, sinon il va arriver ça, sinon il va arriver ça. Donc ça c'est le murjifun. Ok, et donc il dit, donc il y en a beaucoup d'ennemis de l'islam à notre époque, il y en a beaucoup, subhanallah, c'est incroyable. C'est rendu même que les koufars, ils sont en train de dire aux musulmans qu'est-ce qu'ils doivent dire de l'islam et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire de l'islam, qu'est-ce qu'ils doivent croire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas croire, qu'est-ce qu'ils doivent accepter et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas accepter de l'islam. C'est comme si maintenant les savants de l'islam sont les koufars, c'est eux qui décident qu'est-ce que les musulmans doivent accepter ou non de la religion de l'islam. On a remarqué ça de la part de certains musulmans actuellement, c'est comme ça qu'ils pensent. Si les koufars n'acceptent pas quelque chose de l'islam, il ne faut pas le dire. Hein? Il ne faut pas le croire, il ne faut pas l'accepter. Et ils essayent même, les koufars parfois, d'imposer aux pays musulmans les choses qui doivent être prêchées et propagées dans la société comme croyance religieuse. Et si une croyance religieuse qui est dans le Coran et dans la Sunna est en contradiction avec leurs intérêts, ils veulent que les musulmans cessent de l'enseigner et cessent de l'expliquer ou de le prêcher aux gens. Et même que c'est rendu à un tel point que dans certains pays, des koufars, ils veulent former des imams musulmans chez les chrétiens pour que les imams croient et acceptent de l'islam ce que les koufars ont décidé et qu'ils prêchent l'islam selon ce que les koufars ont voulu et qu'ils enseignent un islam qui est adapté à ce que les koufars aiment et acceptent. Donc ça c'est des exemples de notre époque, qu'est-ce qu'on vit maintenant, hein? Donc le cheikh il dit que donc il y en a beaucoup comme vous le savez aujourd'hui parce que le cheikh il est conscient de qu'est-ce qui se passe et il dit et Allah sait mieux, peut-être qu'il va y avoir une époque qui va être plus dure que ça encore. Hein? Comme je disais tout à l'heure. Donc le cheikh il dit, donc celui qui reste ferme sur sa religion, et qui reste ferme sur son djihad, sur sa lutte et sur sa da'wah, Donc ça, c'est comme celui qui s'accroche et qui ferme sa main, qui serre dans sa main un morceau de charbon ardent. À cause de la difficulté et de la dureté de ce qu'il va endurer de la part des gens, donc il a besoin d'une grande endurance et une grande patience. Il dit parce que après vous, il y aura des jours dans lesquels celui qui est endurant et qui s'accroche à ce que vous vous accrochez aujourd'hui, il aura la récompense de 50 parmi vous. Donc, le cheikh il dit بمثل ما أنتم عليه يعني الصحابة الذي يثبت على الدين وقلة طريق وعلى طريقة وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون من الفرقة الناجية هذا معناه لأنه يصبر حينما يتزلل كثير من الناس حينما ينجرف كثير من الناس يصبر على الحق ويصبر على مخالفة الناس ولوم الناس وذمهم بل يصبر على ما يناله منهم في نفسه وفي جسمه فقد يضرب وقد يسجن وقد يقتل ويصبر لأنه على الدين فما دام على الدين وعلى الحق فلا يهمه ما يصيبه في هذه الدنيا لأنه Donc le cheikh explique que donc ce hadith là dans lequel le professeur Hassan il dit ces jours là seront des jours dans lesquels vous aurez la récompense de 50 d'entre eux d'entre vous, c'est à dire 50 d'entre les sahaba. Il dit ça c'est celui qui reste ferme sur sa religion et sur la voie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et celui là il fait partie du groupe sauvé, de la secte sauvée. Dans le hadith des 73 sectes, il y en a une seule qui est sauvée, les 73 autres, ils vont en enfer. Donc, celui qui fait partie de ceux qui sont patients et qui s'accrochent à la religion à la fin des temps, il fait partie du groupe sauvé. C'est ça que ça signifie. Et il dit, il reste patient alors que les gens sont secoués dans leur foi. Beaucoup de gens sont secoués dans leur religion. Beaucoup de gens suivent les autres. Ils n'endurent pas, ils ne restent pas patients sur la religion. Ils ne sont pas capables. Et tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui posent la question, qui disent « Ah mais, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Ou est-ce qu'on peut faire ça ?» Et quand tu leur réponds « Ça c'est haram » ou « Ça, tu n'as pas le droit de le faire », ils disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Si on ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas le choix, on est obligé. Hein, il faut faire ça. » Donc là, tu dis « c'est ça la différence entre les gens qui sont patients » et qui sont endurants et qui restent fermes, et les gens qui sont faibles et qui sont impatients et qui se laissent aller facilement vers les interdictions et vers les choses haram, vers la fin des temps. Donc il y en a qui sont endurants sur la vérité, patients sur la vérité, qui continuent à aller, même s'ils contredisent tout le monde, ça ne les dérange pas. Même si les gens vont le blâmer, vont le critiquer, hein? Non, ils restent patients. Il reste endurant, même s'il va être atteint par toutes sortes de difficultés de la part des gens dans sa personne, dans son corps. Et peut-être il va se faire frapper, peut-être qu'il va être emprisonné, peut-être qu'il va être tué, hein? Il va être patient. C'est comme par exemple tout ce qui se passe comme difficulté, comme épreuve dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans à cause de l'attachement que quelqu'un peut avoir à sa religion. Lorsqu'il s'attache à sa religion avec modération, sans tomber dans l'exagération des extrémistes, ni tomber dans la négligence des gens qui tombent dans le laxisme et qui se laissent faire, hein, qui restent modérés dans sa religion, mais en même temps que ça dérange parce qu'ils s'accrochent au Coran et à la Sunna avec fermeté, et à cause de ça, étant donné que ça dérange les gens, eh bien, ils lui donnent des problèmes, ils lui donnent des difficultés. Peut-être même ils vont le mettre en prison pour une parole qu'il a dite qui était vraie, qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Mais à cause de cette parole, ça dérange les koufars, ça dérange les munafiqines. Alors on essaie de l'empêcher, de l'interdire, de l'emprisonner. Peut-être qu'il va être frappé même. Ou bien, et à cause de quelque chose qu'il a pratiqué, comme une sœur par exemple qui va pratiquer sa religion, qui va porter son sitar, son niqab, des choses comme ça, on va lui donner une amende. Et son mari, s'il a ordonné à sa fille ou à sa femme de porter le niqab, on va le mettre en prison, on va lui donner une amende. Ça, c'est des exemples de difficultés. Hein? Et donc, ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la religion commence à devenir de plus en plus difficile lorsqu'on veut vraiment s'accrocher à l'islam. Mais sinon, on va faire comme les autres. On va faire comme l'autre qui voit, comme par exemple, la femme, elle voit l'autre femme avec, subhanallah, comment on appelle, des leggings. Je ne sais pas si vous connaissez des leggings. C'est des leggings. C'est comme des collants, en fait, que les femmes portent, des bas collants, mais foncés, épais, mais qui moulent, qui montrent la forme des jambes. Eh bien, les femmes koufar, elles portent ça dans la rue, elles marchent avec ça. Maintenant, on voit des filles musulmanes avec ça dans la rue et elles portent un foulard sur la tête. Donc, ça c'est quoi? Ça veut dire les gens qui disent « Oh ben moi je veux pas me compliquer la vie, je veux pratiquer ma religion facile et je veux m'intégrer dans la société, sur une société musulmane, une société musulmane dans laquelle il y a beaucoup de péchés, ou beaucoup de perversité, beaucoup de liberté, de laisser aller. » Ou bien société koufar, où les gens font tout ce qu'ils veulent, et il n'y a pas de morale, il y a de l'indécence. Donc, ils se laissent aller. Tandis que la femme qui dit, non, moi, je vais m'accrocher à ma religion, je vais suivre l'exemple des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple des femmes des sahaba, et je vais me voiler de la tête aux pieds au complet, sans laisser rien montrer de mon corps, ni de mon visage, ni de mes mains, ni de rien. Hein? Sans tenir compte de la divergence qui peut exister au sujet des mains, du visage, est-ce que c'est obligatoire ou non? Même on laisse ça de côté. Qu'est-ce qui est le meilleur des deux, c'est quoi? C'est de voiler tout, de couvrir tout. Elle veut faire ça. Elle veut être parmi les meilleurs. Elle veut être parmi les femmes qui suivent l'exemple des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle dit, moi je vais faire ça, je vais m'accrocher à ma religion. Elle subit plein de... les gens qui l'insultent dans la rue, les gens qui lui mentionnent des mauvais noms, les gens qui se moquent d'elle, qui risent d'elle. Hein? Tandis que même parfois qu'ils vont la frapper. Alors que l'autre qui met ses petits pantalons avec son petit foulard là, qui marche dans la rue, comme si on se demande est-ce que c'est juste comme une mode ou est-ce que c'est réellement quelque chose qu'elle prétend être islamique ou quoi? Allahu a'lam. Mais ça fait partie des choses qu'on voit que les gens maintenant, hein, ils se laissent aller là-dedans. Et peu d'imams dans les mosquées mentionne des choses à ce sujet-là pour dénoncer qu'est-ce que ces femmes-là ont fait. Et donc, à cause de ça, elle s'imagine que c'est permis et que c'est correct. Et elle continue à le faire. Donc, c'est la responsabilité des imams et des gens qui enseignent l'islam de mettre en garde contre ce que ces femmes-là sont en train de faire. Après, donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, parmi les ghurabas, vers la fin des temps, ils vont être endurants. Même s'ils sont frappés, même s'ils sont enfermés en prison, même s'ils sont tués, ils vont être patients et endurants sur la religion tant qu'ils savent que ils sont sur la religion, ils sont sur la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il va l'atteindre comme difficulté, comme malheur dans cette dunya? Ça ne va pas lui causer de problème. لِأَنَّهُ لَحْظَ وَاحِدَ وَتَنْتَهِ يعني لحظة وتنتهي وينتهي cette vie d'ici-bas ça paraît long mais en réalité c'est juste un moment court qui passe lorsque tu vas être dans ta tombe et tu vas être ressuscité. Si on te demande combien de temps tu es resté dans cette vie, tu vas dire quoi? Tu dis une journée ou une partie de la journée ou bien même quelques heures seulement, hein, ou une heure ou des choses comme ça. Ensuite le cheikh il dit, الشيخ الذي والسكرتان نعم عفوا أي نعم صحيح. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أي نعم أنبأنا حسد أسد أنبأنا سفيان ابن عيينة le grand imam parmi les imams des salaf, سفيان ابن عيينة le contemporain de l'imam Malik qui était à Mecca, un des savants de la Mecque. سفيان ابن عيينة الإمام الحميدي الذي أسلم البصري وعن أسلم البصري سلون أسلم البصري سلون سعيد ابن أبي الحسن يرفعه سدي il le rapporte selon il le ramène jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit, j'ai dit à Soufiane, est-ce que tu l'as pris du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم? Il a dit oui. يعني qu'est-ce que ça veut dire? يعني هل هذا الذي ترويه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. Est-ce que ce que tu rapportes là, tu l'as rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit oui. يعني ليس اثرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'est pas une parole de quelqu'un d'autre que le messager ou que le prophète صلى الله عليه وسلم, mais c'est une parole qui remonte jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. Bien entendu, marfou, ça veut pas dire nécessairement que c'est authentique, mais on sait que le hadith qui parle des ghuraba, qui parle de ces choses-là, ça, c'est, il est authentique. Donc même si cette narration-là n'aurait pas été authentique, on sait que avec les autres narrations qui sont authentiques, ça vient confirmer la signification de ce hadith-là. Donc il dit as-sakratan wa as-sukratan sukratu al-jahl wa sukratu hubb al-haya wa al-jahl da'un qatil wa layta al-jahl yaskut 'ala jahlihi walakin jahil yatakallamu fi umur ad-din wa yufti hadhihi musibah amma al-jahl alladhi ya'tarifu bi jahlihi ويقصر ويقصر أو يقصر شهر شره على الناس هذا أخف من الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين ويحلل ويحرم ويفتي وهو على جهل فهذا يحدث في آخر الزمان حينما يقل الفقهاء ويكثر القراء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم ويضلون ويضلون هذه سكرة الجهل. Donc le cheikh il dit que il y a les deux ivresses dont le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé, et ces deux ivresses c'est l'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de la vie. L'ivresse de l'ignorance c'est une maladie qui tue. L'ignorance c'est une maladie qui tue, hein? C'est une maladie, c'est un poison. Et il dit, si seulement l'ignorant pouvait juste se taire, garder son ignorance pour lui. Le problème, le danger, c'est quoi? C'est quand l'ignorant, il parle des questions de religion et il donne des fatwas. Ça, c'est un grand malheur. C'est ça le malheur. Il dit, mais l'ignorant qui reconnaît son ignorance et qui limite son mal à lui-même, c'est-à-dire il ne le diffuse pas aux autres, ça, c'est moins nuisible que l'ignorant qui parle à tout le monde au sujet des affaires de la religion et qui rend halal et qui rend haram et qui donne des fatwas alors qu'il est ignorant. Et ça, c'est quelque chose qui va se produire vers la fin des temps. Lorsqu'il y aura peu de fuqaha et qu'il y aura beaucoup de récitateurs et de lecteurs. Donc, il y aura peu de savants, mais il y aura beaucoup de récitateurs de Coran, des gens qui mémorisent. Et aujourd'hui, comment les gens ordinaires, le commun des musulmans, comment ils distinguent ou comment ils reconnaissent quelqu'un comme étant un savant pour eux? Ils reconnaissent quelqu'un comme étant un savant pour eux lorsqu'il connaît le Coran par cœur. Alors qu'il peut être, comme les ulama disent parfois, il peut être plus ignorant que l'âne de sa maison. L'âne de la maison est plus savant que lui, mais étant donné qu'il mémorise le Coran, il pense que c'est un savant. Et les ulama, ils ont dit, là, le Coran, de le connaître par cœur, de le mémoriser par cœur, mais sans le comprendre, ça n'a pas de signification. Et qu'est-ce qu'on a remarqué des fois? C'est qu'il y a des parents musulmans, des fois, ils téléphonent dans les mosquées et disent, moi je cherche un endroit pour enseigner le Coran à mes enfants. Je veux qu'ils mémorisent le Coran. C'est devenu une tradition, yani. C'est comme une sorte de, je ne sais pas, comme une sorte de baraka. Les gens, ils veulent mémoriser le Coran. Et je me rappelle, avant à la mosquée, à Dar Arqam, on disait, quand les gens téléphonaient, demandaient pour l'enseignement du Coran, on disait, nous, ici à la mosquée, on n'a pas d'enseignement pour les enfants, pour le Coran, mais on a des cours de religion, des cours sur l'islam, la aqida et des choses comme ça. Et qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient, oh non, moi, je veux que mes enfants mémorisent le Coran. Yani, subhanallah. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'apprentissage de la compréhension et l'apprentissage de la aqida et des choses de ce genre dans la religion, pour eux, c'est moins important. Alors que quand on fait nos durus, quand on apprend, on lit les livres des ulama, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que mentionner des hadiths et des versets. Des versets du Coran et des hadiths, et ils expliquent ces versets et ces hadiths. Donc quand on est en train de faire ces durus là, on est en train d'apprendre le Coran. On est en train d'apprendre la sunna, mais pas seulement les mots et les versets et les hadiths, les paroles du prophète sallam. En plus de ça, on est en train d'apprendre la compréhension qui vient avec. Et ça, c'est beaucoup plus important que d'apprendre les mots eux-mêmes seulement. Donc, d'apprendre le Coran, c'est bien. Et de le mémoriser, c'est bien. Mais de le comprendre, ça, c'est le but pour lequel tu le mémorises. Et c'est le but pour lequel tu l'apprends. De l'apprendre et de l'appliquer par la suite. Mais si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas l'appliquer. Donc, même si tu l'as mémorisé de A à Z, je te lis par exemple, je te dis, est-ce que tu as mémorisé Sourate An-Nisa? Tu me dis, oui, j'ai mémorisé Sourate An-Nisa. Est-ce que tu es capable de m'expliquer les règles de l'héritage qui sont dedans? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer, les règles de l'héritage. Mais pourtant, c'est rempli des explications des règles de l'héritage dans Sourate An-Nisa. Et tu passes par-dessus les versets, tu fais juste les réciter, mais tu sais même pas comment faire diviser l'héritage. Alors que le professeur Hassan a dit, c'est la moitié de la science, c'est la science de l'héritage. Et qu'il a dit, la première des sciences qui va être enlevée vers la fin des temps, c'est la science de l'héritage. Donc c'est la preuve que les gens, ils apprennent, ils mémorisent, mais ils comprennent pas. Oh, subhanallah. Il est tough, hein? Masha'Allah. Il tombe et puis il pleure pas. Masha'Allah, tabarakallah. Et là, tayyib. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il dit, donc, que. Donc, celui qui est ignorant, mais qui ne parle pas, qui ne parle pas de religion, il limite son ignorance à lui-même. Ça, c'est moins pire que l'ignorant qui commence à parler de questions de religion, qui rend halal et haram. Les choses sans connaissance, qui donnent des fatwas avec ignorance. Et ça, il y en aura beaucoup vers la fin des temps, comme on a dit. Lorsque les gens vont prendre des chefs, des responsables parmi eux, des références parmi eux qui sont ignorantes et qui vont donner des fatwas sans science et qu'ils vont s'égarer eux-mêmes et qu'ils vont égarer les autres avec eux. Et ça, c'est l'ivresse de l'ignorance. Wasthaniya, hubbul aish. Hubbul aish wa hubbul dunya. فإذا أحب الدنيا نسي الآخرة وصار يعمل للدنيا والذي يحب شيئا يعمل له فيعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة وهذا يصيب كثيرا من الناس في آخر الزمان جهل وتعلق بالدنيا ونسيان الآخرة ونسيان للآخرة الآن يقولون لا تذكر الناس لا تذكر الجنة والنار أو لا تذكر الجنة والنار في الخطب وتخوفون الناس هذا إرهاب أنتم أناس متسمتون عندكم قنوط يقولون هذا الآن لحبهم للدنيا ولا يريدون ذكر الجنة والنار والقبر وعذاب القبر يقولون أنتم تذكرون على الناس عيشهم ولذتهم فالناس يريدون أن يسرحوا ويمرحوا وأنتم تقولون لهم هناك جنة ونار وعذاب وقبر وحساب hein? Donc le cheikh il explique, il dit la deuxième ivresse c'est l'ivresse de l'amour de la vie, de l'amour de vivre hein? Même les kuffars ils chantent de ça hein? D'aimer la vie, j'aime la vie, aimer vivre hein? L'ivresse de la vie. Et d'aimer la dunya. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui aiment la dunya. Et ils ont oublié l'akhira. La majorité des musulmans, beaucoup des musulmans qui vivent ici en Occident, c'est comme ça. Et quand tu regardes leurs enfants, c'est encore pire. Si tu dis à leurs enfants, l'akhira, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Tu dis, est-ce que tu connais le Jannah, tu connais l'akhira? Tu sais qu'est-ce que c'est l'akhira? Non, je ne sais pas. Subhanallah, comment vous avez éduqué vos enfants? Ils vivent parmi les koufars, ils connaissent que la dunya. Et vous ne leur enseignez pas l'importance de croire en l'akhira. Donc, le cheikh, il dit, c'est ça. D'aimer la dunya, d'oublier l'akhira. Et ça va arriver beaucoup vers la fin des temps. L'ignorance et le fait de s'accrocher à la dunya, d'oublier l'akhira. Et aujourd'hui, les gens, ils disent, rappelez pas aux gens qu'est-ce qu'il y a pas avec le paradis et l'enfer dans les khutab de Jumu'ah, dans les discours. Faites pas peur aux gens. Mais ça c'est du terrorisme que vous faites. Hein, vous leur faites peur. avec le paradis et l'enfer. Faites pas peur aux gens. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et ça, je l'ai entendu même avant l'islam. Allah al-Musta'an. Chez les koufars, je me rappelle, les chrétiens, ils disaient toujours ça, surtout les catholiques. Ils disent, surtout les personnes âgées, vous allez les entendre parler comme ça, les personnes âgées au Québec ici, hein, ils disent ça. Ils disent, oh, quand on était jeunes, on allait à l'église, et les prêtres, ils nous parlaient de l'enfer, ils nous parlaient du paradis, puis nous, on avait peur de l'enfer, donc ils nous ont mis la peur dans notre cœur avec ça. Et puis après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, donc on vivait dans la peur, on vivait dans la crainte. Aujourd'hui, c'est mieux. Là, on ne vit plus dans la crainte, on a peur, on n'a pas peur. On fait qu'est-ce qu'on veut, on vit comme on veut. Donc, il y a des musulmans aujourd'hui qui sont en train de dire ça. Ils sont en train de dire, faites pas des khutbas sur le paradis et sur l'enfer. Combien d'entre vous ont entendu une khutbah sur le paradis ou sur l'enfer? Hein? C'est très rare qu'on en entend. Donc, c'est pourquoi? Parce que les gens, ils disent, non, parlez pas de ça, vous allez faire peur aux gens. Hein? Vous allez faire perdre l'espoir, désespérer. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment la dunya. Ils ne veulent pas entendre qu'est-ce qui leur fait rappeler de la réalité. Ils ne veulent pas que tu parles du paradis, de l'enfer, de la tombe, du châtiment de la tombe. Ils disent, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de gâcher la vie des gens. Et vous êtes en train de leur faire perdre leur plaisir et leur goût de la vie. Hein? Les gens, ils veulent s'amuser. C'est pas noué, comme tu dis, barakallahu fik. Donc, et vous êtes en train de leur dire, il y a un paradis, il y a un enfer, il y a un châtiment dans la tombe, il y a un jugement. Hein? Donc le cheikh il dit, وَيَقُولُونَ لَا تَعْرِضُوا لَا تُعْرِضُوا هَذَا فِي الْخُطَبِ هَذَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَهَذَا ظَهَرَ فِي النَّاسِ وَكَتَبُوهُ فِي الصُّحُفِ وَقَالُوهُ فِي مَجَالِسِهِمْ ذَمُّ الْخَطِيبَ الَّذِي يَعْظُ النَّاسِ وَيُذَكِّرُهُمْ بِاللَّهِ ويقولون هذا تؤيس الناس وتكدير لهم فسبحان الله. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit non, il faut pas présenter ça, dire ça aux gens dans les khutab. Ça fait partie des fitanes que Allah nous en préserve. Et il dit ça, c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui chez les gens. Ils ont écrit ça dans les journaux, ils ont dit ça dans leurs assemblées. Les gens disent ça aujourd'hui. Parle pas de l'enfer, parle pas de ces choses-là. Et quand ils voient un imam ou un khatib, quand il fait la khutbah, il parle aux gens de l'enfer, ils disent, ah, toi t'es en train de faire perdre l'espoir aux gens. T'es en train de les décourager. T'es en train de les faire perdre leur goût de la vie et des choses de ce genre. Subhanallah. Donc le cheikh, il termine avec un hadith, il dit, وَلَهُ بِإِسْنَادِ عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنتي يوم تترك. Donc ça, c'est une autre narration, une autre version de ce hadith. Cette narration, elle dit quoi? Elle dit que ça, c'est selon l'isnad de Al-Mu'afiri. Il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: annoncez la bonne nouvelle aux étrangers, ceux qui s'accrochent au livre d'Allah lorsqu'il sera abandonné, et ceux qui pratiquent ma sunna le jour où il sera abandonné. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس وهذا الحديث يقول فيه طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله هم يتمسكون بأنفسهم ويمسكون غيرهم بكتاب الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون دين الله ويدعون إلى الله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده أن هذا يرجى له خير كثير لكن هذا نادر فأكثر الناس لا يصبرون. ولو أنهم يحبون الخير لصبروا. والشيخ ابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الموضوع في مسألة الغربة عنوانها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة مطبوعة، شرح فيها حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Donc le cheikh explique ce hadith là, il termine en disant donc comme on l'a mentionné plus tôt, on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont les ghuraba, qui sont les étrangers. Donc il a dit ce sont bon, qui est capable de mentionner c'est qui les, à part Manga parce que lui il a le livre. Hein? Qui est capable de me dire c'est quoi les significations de Al-Ghuraba? On va dire deux significations des Ghuraba. Qui est capable de me dire les deux significations de Ghuraba? Ahmed, c'est quoi les deux significations des Ghuraba? J'ai demandé à Ahmed parce que il était distrait, mais, ok, donne-moi la première. Vas-y. Yuslihoun. Aïna. Tayyib. Yasluhouna. Yasluhoun. Aïna. Yuslihoun. Yuslihoun. Yuslihoun, c'est-à-dire, ils réforment les autres. Eux-mêmes et les autres, et yasluhun, c'est en eux-mêmes, yasluhun. Donc c'est ça les deux significations. Puis il y a nuzza' min al-qaba'il, comme on a expliqué, c'est ceux qui abandonnent leur pays ou là où ils vivent pour aller établir leur religion. Ouais, les deux significations des ghuraba. Oui, c'est ça, j'avais dit les trois au début, mais bon, pour simplifier, j'ai dit les deux, puisqu'on a mentionné surtout deux. Mais bon, c'est pas grave. La troisième, c'est An-Nuzza' min al-Qaba'il. Oui, c'est ça. Et donc, le cheikh, il dit donc qu'il y a la première narration, comme le frère Mukhtar, il a dit, ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu. L'autre narration, ceux qui sont bons en eux-mêmes, alors que les gens... Non, la première, c'est ça. C'est ceux qui sont bons en eux-mêmes lorsque les gens sont devenus corrompus. La deuxième, c'est ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu. Et... dans ce hadith-là, quand on a demandé qui sont les non, en fait, on n'a pas demandé, mais plutôt le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, annoncez la bonne nouvelle aux étrangers, ceux qui s'accrochent au livre d'Allah. Il dit, eux-mêmes, ils sont accrochés au livre d'Allah et ils font que les autres s'accrochent eux aussi au livre d'Allah. C'est pas juste eux-mêmes qui s'accrochent au livre d'Allah. Ils demandent aux autres également de s'accrocher au livre d'Allah. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, et ils enseignent la religion d'Allah et ils invitent les gens à Allah. Et dans Surat Al-A'raf, verset 166, ceux qui font que les gens s'accrochent au livre, hein, yumassikoun, ils font que les gens s'accrochent au livre et ils établissent la salat, et ça, nous n'allons pas faire gaspiller la récompense de ceux qui sont des réformateurs. Il n'y a pas de doute que celui qui reste ferme sur la religion, lorsqu'il y a des tribulations et des tentations et des fitanes et du mal, et que les gens se révoltent contre la religion, il n'y a pas de doute que celui qui reste ferme dans ces moments-là, qu'on souhaite du bien pour lui et on espère pour lui du bien. Mais ça, il y en a très peu de gens qui sont dans cette catégorie-là. Il y a très peu de gens qui sont capables d'être endurants dans ces situations-là. La majorité des gens, ils ne vont pas être endurants. Ils ne vont pas patienter. Pourquoi? Parce qu'ils aiment. Le cheikh dit وَلَوْ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْخَيْرِ لَصَبَرُوا. S'ils aimaient vraiment le bien, ils auraient été endurants. Et il dit, pour terminer, le cheikh, que l'imam Ibn Rajab Al-Hanbali, il a écrit un petit livre qui clarifie beaucoup ce sujet-là. C'est un très très bon livre sur ce sujet qui explique la question de Al-Ghurba, le fait d'être un étranger. Et le titre du livre, c'est Kashful Kurba fi wasfi hali ahli al-Ghurba. Et donc, dans ce livre-là, il explique tout ce qui a rapport avec yani, la situation des gens qui sont étrangers. Et en fait, c'est une explication du hadith. L'islam a débuté de manière étrange et elle redeviendra étrange comme elle a débuté. Donc ça, c'est l'explication de ce hadith. Et l'imam Ibn Rajab, c'est un des meilleurs savants pour expliquer les hadiths. C'est-à-dire que, quand je dis que c'est un des meilleurs savants, c'est dans le sens que quand vous lisez les livres de l'imam Ibn Rajab, Al-Hanbali, vous allez voir que sa façon d'expliquer les hadiths, c'est une des manières qui est la plus, une des plus intéressantes. Parce que, il mentionne un hadith, après il mentionne tout ce qui a été rapporté comme verset à ce sujet-là, comme hadith à ce sujet-là, et comme parole des sahaba à ce sujet-là, et comme règle des ulama, qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. Puis il rentre vraiment en profondeur et en détail dans les questions. Donc c'est un des ulama, mashallah, quand vous trouvez son livre, comme par exemple, il a fait un livre pour expliquer les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, ça s'appelle Jami'ul Ulum wal Hikam, et il a rajouté 8 hadiths à la fin des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, et c'est un des meilleurs livres d'explication pour ce hadith, pour ce livre-là. Un des meilleurs livres qui explique ce hadith-là. Il a aussi un charh de Sahih al-Bukhari qui s'intitule Fathul Bari, comme celui de Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani. Et il l'a pas complété. Il a terminé à Kitab al-Janaiz, Ahkam al-Janaiz, et il est décédé avant de le terminer. Mais même le peu qu'il a fait, c'est déjà 10 volumes. Environ 9 ou 10 volumes. Donc, jusqu'à Kitab al-Janaiz, c'est 10 volumes. Imaginez s'il l'avait complété au complet. Probablement que ça aurait été peut-être 50 ou même plus volumes. Le Fathul Bari. Et l'auteur, Ibn Rajab al-Hanbali. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته